Unité 1, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral, exercice 1. Mesdames et messieurs, le train en provenance de Bordeaux et à destination de Toulouse entre en gare dans quelques instants, quai numéro 2.